8. Le vrai bonhomme de neige. Trompette et Flagadelle sont endormis. Alan Pop n'est plus là. Les appels de Picaouette, peut-être encouragés par certains d'entre vous, réveillent Flagadelle en sursaut. Flagadelle. Picaouette ! Trompette est réveillée à son tour en sursaut. Trompette. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a ? Flagadelle. J'ai entendu crier. C'était Picaouette qui appelait Flagadelle, Trompette, Monsieur Pop. Tu n'as pas entendu ? Trompette, tu as fait un rêve, Flagadelle. Tu crois que Picaouette nous suit en rampant dans la neige ? Flagadelle, bien sûr que non, mais je l'ai entendu, j'en suis sûr. Il est là, tout près de nous, je le sens. Trompette, mais oui, il est là, bien sûr. Il est au fond de la malle, j'imagine. Enfin, Flaga, sois raisonnable. Il ne faut pas perdre la tête si nous voulons être utiles au Père Noël. Flagadelle. Oui, tu as raison. Alan Pop m'a dit que nous serons arrivés dans la soirée. Trompette. En parlant d'Alan Pop, ne me dis pas qu'il a encore disparu. Flagadelle. Tiens, c'est vrai. Il est revenu pendant que tu dormais. Il a même chanté une chanson. Il m'a dit que le Père Noël avait besoin de nous et qu'il regrettait l'absence de Picaouette. Puis je me suis endormi. J'espère qu'il ne nous a pas abandonnés en plein milieu des plaines glacées du Grand Nord. Trompette. Chut! J'entends du bruit. Alan Pop apparaît, un grand sourire aux lèvres, anormalement joyeux. C'est très étonnant pour nos amis. Alan Pop. Flagadelle, Trompette, avez-vous bien dormi? Ces gâteaux magiques sont extraordinaires, n'est-ce pas? Je suis venu avec un vieil ami à moi, que je tiens absolument à vous présenter. Allez, viens, bonhomme, n'aie pas peur, viens. Il est très timide. Trompette. Oh! Un bonhomme de neige! En effet, nous voyons apparaître du sous-bois un bonhomme de neige, vivant, qui bouge et qui chante. Enfin, qui chante. Faut le forcer un peu, quand même, car la chanson que lui fait chanter Alan Pop n'est pas très gaie pour ce pauvre bonhomme de neige. Alan Pop, oui, je vous présente le seul, l'unique, le vrai bonhomme de neige, celui du Grand Nord. C'est mon ami. On va chanter une chanson ensemble, d'accord? C'est un poème de Jacques Prévert. Peut-être le connaissez-vous ? Alan Pop commence à siffloter l'air composé par Joseph Kosma de La chanson pour les enfants l'hiver. Puis il entonne les paroles en duo avec le bonhomme de neige. Alan Pop et le bonhomme de neige. Dans la nuit de l'hiver, galope un grand homme blanc, galope un grand homme blanc. C'est un bonhomme de neige avec une pipe en bois, un grand bonhomme de neige poursuivi par le froid. La chanson terminée, les deux chanteurs saluent leur public. Flagadelle et Trompette applaudissent. Le bonhomme de neige leur dit au revoir et s'éloigne en sifflant. Alan Pop, j'adore ce bonhomme de neige. Ici, il est hors de danger. Il ne fait jamais chaud. Il ne risque pas de fondre. Et il n'y a pas de poils. Trompette, Monsieur Pop ? Alan Pop, qui l'a, Trompette ? Trompette, nous devrions nous remettre en route si nous voulons arriver dans la soirée. Alan Pop, tu as raison. Il y a de la sagesse dans ces paroles. Le Père Noël nous attend. En route. Trompette et Flagadelle. En route. Ils reprennent place dans le traîneau tiré par les trois chevaux étranges et les voilà repartis en direction du pôle Nord.